French with Madame Lucien Faulkner, past president of Crossroads Français and once very active member in the Crossroads Français. The interview took place in her home in Sacramento, California on November 28, 1983, and was conducted by Alex Pinchoff on behalf of the Sacramento Ethnic Community Survey Project, funded by the California Council for the Humanities. Peut-être vous pouvez nous dire quelque chose sur votre histoire même en France, votre jeunesse. Peut-être quelques mots aussi, si vous voulez. J'ai quitté la France, comme beaucoup de personnes de mon âge, quand j'avais 19 ans, au moment de l'arrivée des Allemands en France. Je suis partie en Amérique du Sud, au Brésil, où j'ai rencontré mon mari, où je chantais. J'étais chanteuse. Je faisais partie des théâtres indépendants de France. Et j'ai connu mon mari, mais on ne s'est pas marié tout de suite. Je suis repartie de l'Amérique du Sud, je suis partie au Maroc, et c'est là où nous nous sommes mariés. C'était 3 ou 4 ans après l'avoir rencontré au Brésil. Et puis de là, nous avons fait presque tous les pays. L'Amérique du Sud, on retourne en Amérique du Sud. Et puis, nous sommes revenus au Maroc, là où mes enfants sont nés. De là, nous sommes partis à Tripoli, les Indes, le Pakistan, l'Afghanistan, Bangkok. Je me souviens plus de... Enfin, tous les Middle East, and Far East, and all the country. Et j'ai toujours, toujours essayé de joindre la colonie française. En Afghanistan, nous avons formé un club qui est devenu international parce que tous les autres... c'était maintenu par le... supporté plutôt par l'ambassade de France à Kaboul, qui était très importante. Il n'y avait que des ambassades à Kaboul. Pourquoi? J'en sais rien, pas de consulat, seulement des ambassades, toujours très... qui étaient très importants. Et quand, au bout de 3 réunions, 3 ou 4 réunions, les ambassadeurs se sont consultés. Ils ont dit qu'il faut absolument qu'on joigne ce club français où vraiment on fait de la bonne cuisine et on y passe du bon temps. Alors on a finalement accepté tous les autres membres à titre d'invité. Je ne faisais pas partie vraiment. Et nous avions un club international. Il faut que je vous mentionne une histoire. On fêtait la fête des rois. C'était... 20 ans de ça à Kaboul. Et on avait décidé, on avait les Russes qui venaient aussi à ce moment-là, qui aimaient beaucoup les Français. Et d'ailleurs, les Français, on a toujours été aimés partout où on est passé. Dans tous les pays où je suis passé, la France a toujours été, les Français ont toujours été bien respectés. On nous considérait neutres. Je n'ai jamais ressenti de parti pris d'aucun pays. On se sentait neutre, comme en ce moment la Suisse, par exemple. Enfin, pour revenir à notre histoire, c'était pour la fête des rois, on avait décidé de faire la galette des rois. On n'avait pas de petit beigneur pour mettre dans la galette, on avait mis un haricot. Et on avait décidé d'élire un roi, vous savez, pour l'épiphanie. Alors, on avait décidé d'élire le Prolope, qui était le chef du protocole russe, de la propagande russe, M. Prolope. On s'était mis d'accord pour lui donner le morceau de gâteau avec la fève dedans. C'était une fève. On lui donne la part de gâteau avec la fève dedans et on attendait qu'il se prononce pour élire le roi. Le roi d'avant était l'attaché culturel d'Angleterre. C'était lui qui avait régné toute l'année d'avant. Le gâteau fini, toujours pas de roi. Finalement, je m'approche, je lui dis, Monsieur Frolope, je lui dis, si vous avez la fève, il faut absolument il faut que vous soyez élu roi cette année parce que c'est obligé, c'est dans les lois, c'est dans... Finalement, il reconnaît qu'il avait la fève et alors on l'a bien sûr fêté et on lui a mis la couronne sur la tête et on lui a dit de faire un discours. Alors il a dit, J'ai trouvé ça bien bizarre. Il a dit, je suis le premier roi communiste. Et on a dit, il faut détrôner l'ancien roi. Comment vous allez vous y prendre? Alors il a dit, avec une bouteille de champagne, je vais le tuer. Alors il a payé une bouteille de champagne, il a ouvert le bouchon et puis ça s'est passé très très bien. Il faut vous dire que 3-4 jours après, on n'en a plus entendu parler. Hein. Ça a été reporté, il a été transféré ailleurs. On n'a pas beaucoup aimé ça à l'ambassade russe. C'était à Kaboul. C'était très amusant cette histoire, j'ai jamais oublié. Et puis, alors nous y faisions vraiment de bons repas, encore que l'ambassade nous aidait beaucoup. On recevait du pâté de foie de France et des fromages et des bons vins. Elle était vraiment, on appelait ça la maison de France, c'était supporté par l'ambassade. Mais les membres payaient, les étrangers, nos invités payaient beaucoup plus que les Français. Les Français, il n'y avait pas beaucoup, à part les employés de l'ambassade de Kaboul. Bangkok, nous avions un très bon club français aussi à Bangkok. Et j'ai d'ailleurs une photo ici qui vous prend. Une année, nous avons une fête à l'ambassade, nous avait prêté ça, la pièce ici. Et nous avions un ambassadeur, je ne veux pas le nom, qui n'était pas marié, qui n'avait jamais été marié. Et le lendemain, on s'est trouvé que j'étais pas président du tout, j'étais simplement un membre. On a pris une photo, un journaliste a pris une photo avec cet ambassadeur et moi à côté. J'ai passé le lendemain pour être l'ambassadrice sur les journaux de Bangkok en chinois et en toutes les langues. J'étais madame de mariée. Il n'avait jamais été marié, j'ai trouvé ça aussi amusant. Il y avait beaucoup plus de Français à Bangkok et les Français se réunissaient assez souvent pour bien manger parce que, évidemment, la nourriture chinoise là-bas, c'était pas très recherché des Français. Et puis, de là, je suis rentrée, j'étais malade et je suis rentrée, j'ai eu une grande opération, je suis rentrée en Amérique. Et nous sommes allés dans l'État de Washington. Et comme je vous parlais, j'étais désolée de ne pas trouver de Français autour de moi en arrivant. Je pleurais du matin au soir. Je ne pouvais pas m'y faire, surtout dans ce petit village là-bas. À Washington. Dans l'État de Washington. L'État de Washington. Kennewick. Tri-City, on appelle Tri-City. C'est là où il y a le grand Tommy Camp, important. Et à force de demander à droite et à gauche, j'ai finalement trouvé une Française qui était mariée avec un Américain, une très jeune femme, très bien. Et nous nous sommes rencontrés. Tout de suite, je lui ai téléphoné. Elle m'a dit, une voix, elle aussi s'ennuyait beaucoup de la France. Elle venait d'arriver comme jeune mariée. Et on a formé un club. Je ne me rappelle plus le nom du club. On a formé un club français. Et c'est incroyable le nombre de Français qu'on a trouvés qui n'avaient jamais rien fait pour essayer de se trouver. Individuellement, ils pensaient qu'ils étaient les seuls Français là-bas. On a formé un club, on était 20 ou 30, toutes Françaises, et même un couple français qui n'avait jamais, qui pensait qu'ils étaient les seuls Français là-bas. Je suis toujours en correspondance avec quelques membres du club, et C'est une drôle histoire, j'en parle. Nous avons un invité qui se trouve chez mes enfants actuellement. Sa femme a été une des premières membres. Marie-Louise, elle s'appelait, elle est morte il y a quelques années. Et il est là, il est venu passer les jours de fête pour se retrouver. Il est américain, son mari. Marie-Louise était française, sa femme. Il est venu passer les fêtes ici avec les enfants, tellement ça lui manque. Là-bas, dans l'État de Washington maintenant, l'ambiance française, il est venu passer les quelques jours de vacances avec mes enfants qui parlent français et qui, je ne crois pas qu'ils parlent français, mais enfin, ça lui manque. Depuis la mort de sa femme, ça lui manque beaucoup et mes deux enfants sont comme ses enfants, ils n'ont jamais d'enfants. Il est là actuellement d'ailleurs, monsieur Clarence Singula. C'est vraiment bizarre, hein? On parle de ce club qu'on a formé dans l'État de Washington. Et puis, nous sommes repartis à l'étranger. Dans chaque pays où j'ai pu, j'ai contacté tout de suite les autorités françaises pour savoir. À Batna, dans l'Algérie, j'étais à Batna, dans l'Algérie. Je me souviens, je ne pouvais pas trouver de Français non plus. Je suis allée au consul, ou l'ambassade, je ne me souviens plus. Et j'ai demandé à voir la personne en charge de culturel. Je rentre, tu l'introduis, et je lui parle, et il me regardait, il souriait, je me suis dit, il se fiche de moi, celui-là. Je lui demandais si je pouvais contacter les Français. Alors il me regarde, et je lui dis, vous fichez de moi, quoi. Il dit, non, j'admire votre accent français. Il l'avait perdu, il y avait des années qu'il était en Algérie, il n'en entendait plus. Il dit, vous avez vraiment l'accent parisien à ce moment-là, c'était il y a quelques années, ça. Nous avons formé un club aussi à Batna, en Algérie, avec le peu de Français que nous avions, très peu. Il y avait un chef cuisinier, il y avait le fils du chef de gendarmerie de Batna, puis son père, tout ça. Mais, enfin, j'ai toujours essayé de contacter les Français, c'est pour ça que mon anglais est très mauvais. C'est pas vrai. Je ne suis pas beaucoup, j'ai pas fait beaucoup d'amélioration dans mon anglais depuis que je suis mariée avec mon mari, parce que je vous dis, j'ai toujours contacté les Français. Et puis, nous avons été transférés. Mon mari a dit définitivement, après ma maladie, on a découvert que j'avais le cancer, que c'était préférable que je rentre en Amérique pour me faire soigner. On est donc rentré. On est arrivé à San Francisco. Mon mari était au bureau de fédéral. Et de là, nous sommes venus à San Francisco. Alors là, tout de suite, je me suis jetée sur le club. Avec l'embarras du choix, bien sûr, il y en avait tellement. Il y en avait l'embarras du choix. Mais enfin, j'étais toujours une des premières à joindre les réunions et à aller avec eux partout. J'étais avec deux, trois fois à un club. Et puis, j'ai préféré un autre. Je ne me souviens plus des noms maintenant. J'ai préféré un autre qui était beaucoup plus... J'ai trouvé... beaucoup plus active, les repas et les bons dîners, tout ça, j'ai trouvé, je ne me souviens plus du nom maintenant. Mais enfin, il n'y avait plus d'activité dans le deuxième club que le premier. J'ai donc laissé le premier, j'ai joint le deuxième. J'ai même reçu, lors des passages d'un bateau français, porte-avions, je ne me souviens plus, j'ai eu le capitaine et le prêtre qui est d'abord, qui est venu manger chez moi à Sausalito pendant leur séjour à San Francisco. Il faut que je vous raconte une anecdote qui vraiment vaut le coup. Je suis allée à San Francisco, l'ambassade m'a envoyé à moi en disant que j'aurais mis le capitaine Intel et le lieutenant pour manger chez moi. Parce que on avait demandé si on voulait les inviter. J'ai dit qu'on pouvait recevoir deux personnes. Et mes fils étaient là. Sont venus avec nous sur le bateau et eux se sont bien sûr tout de suite sont allés vers les jeunes, c'était un bateau école, il y avait tous ces jeunes de 17, 18 ans, 16 ans même sur le bateau. Mes deux fils sont partis avec les jeunes, je les ai plus revus. J'ai ramené à Sausalito chez moi ces deux invités d'honneur. J'ai appris que le capitaine, c'est le plus haut sur un bateau, dans la Navy, je ne savais pas, c'est mon mari qui m'a dit, tu sais que le capitaine, c'est pas qu'un capitaine dans la Navy française, dans la marine, c'est vraiment le plus haut, c'est le chef du bateau. J'étais vraiment embarrassée parce que je n'avais pas prévu quand même une chose en son honneur comme ça, je n'avais pas l'invité, nous étions que mon mari et moi. Si j'avais su ça, j'aurais bien sûr invité d'autres, j'aurais fait une grande fête chez moi. Il faut vous dire qu'en France, c'est pas comme ici, les officiers ceux qui ne sont pas officiers ne vont pas ensemble, pas du tout. C'est séparé. Et Black, mes deux fils, ne sachant pas qui j'avais à la maison, s'amènent une heure après avec 5 ou 6 jeunes étudiants de 16-17 ans. Je me souviens quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu le capitaine de bateau. On ne peut pas rester ici. Alors je leur ai donné l'argent. J'ai dit, emmenez manger un hamburger quelque part. Ils étaient vraiment gênés, ces pauvres gars. Mais c'est une chose qu'on ne savait pas, que mon mari non plus ne savait pas, ni mes fils non plus, ici ça ne se serait passé dans l'armée américaine. On aurait accepté à la table. Là, on n'a pas pu mélanger. À quelle année c'était ça? Ça, c'était il y a comme ça les années, je ne me souviens pas. C'était pas le dernier passage du bateau, c'était celui d'avant. Ils sont venus, il est venu une fois, après, mmh. là, il y a 3-4 ans. Mmh. Je suis allée aussi là-bas sur le bateau. Mais c'était la fois d'avant, il y a à peu près 7-8 ans. Mmh. Oh non, il y a plus que ça, parce qu'il y a plus de 10 ans que je suis ici, il y a plus de 10 ans. Comme ça passe vite. Et nous avons une soirée formidable. Et puis nous sommes venus, nous avons été transférés à Sacramento, où immédiatement j'ai demandé aussi s'il y avait un club français. Et j'ai vu un jour une annonce sur le journal, parce qu'à ce moment-là, on mettait sur les journaux les dates des réunions et les endroits. J'ai donc contacté la personne, le téléphone, on demandait de contacter si on voulait y aller. Et j'ai eu l'occasion de faire partie des causeries françaises, mais je dois reconnaître que pendant 3 ans j'ai été membre et on ne me connaissait pas dans ce club. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé justement qu'en arrivant ici, tout le monde avait son petit clan, une clique, on dit en français. Et en anglais. Aussi, clique. J'ai trouvé ça bizarre. Au bout de 3 ans, j'étais décidée d'abandonner. J'ai dit, j'étais toujours avec Madame Favero, qui m'avait accompagnée, et Madame Farworth. On était toutes les trois, constamment avec nos maris, mais on n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer, vraiment, de rencontrer les autres. Bonjour et au revoir, c'est tout. Bon, finalement, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Madame Vigné, que j'ai trouvé une femme charmante. Et elle me dit, qui êtes-vous ? Je suis la voir chez elle, elle me dit, qui êtes-vous ? Je suis Madame Folconer, j'ai Madame Guigné, il y avait 3 ans que je suis fait partie du club. Non, c'est au téléphone, je lui téléphone. Elle ne me connaissait pas. Ça faisait 3 ans que je faisais partie du club. J'allais presque tout le temps aux réunions et tout. Pour vous dire comment c'était bien, vous savez. Il est arrivé qu'on a eu besoin d'une secrétaire. Alors, Madame Guigné me téléphone, elle me dit, est-ce que vous pouvez faire la secrétaire? J'ai dit, oui, je veux bien. Elle me dit, j'aimais beaucoup sa façon de travailler parce qu'elle était très, très, très sérieuse dans son travail. Et elle était très demandante. Elle m'a fait pleurer plus d'une fois parce que les lettres n'étaient pas faites en temps. C'est pas pardonnable, la lettre devrait être déjà partie et ça et ça. Enfin, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de tous les membres du club. Et je me suis toujours dit, il va falloir changer ça. Parce que tout le monde me disait que ce club était très, snob. Tous les Français que j'essayais d'amener, oh non, ce club est trop snob. Et je savais que ce n'était pas du snobisme. C'était simplement que cette personne se connaissait depuis très longtemps, comme Madame Guigné connaissait Madame Notre, 2-3 dames. Elles étaient arrivées en même année, en même temps. Leurs enfants ont eu leurs enfants en même temps. Et c'était vraiment des attaches vraiment sincères, de très longues années. Elles se connaissaient très très bien et je pense que ça leur suffisait. Vous voyez, elles ne demandaient pas à ce... Mais quand j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de Françaises qui voulaient joindre ce club, elles me disaient toutes, ce club est trop snob, vous l'entendrez encore maintenant aussi. C'est trop snob. Et je leur ai dit, non, c'est pas ça. J'en ai convaincu beaucoup de personnes qui ont joint. Et une année, on m'a demandé si je voulais être présidente. Et je me suis dit, le premier travail que je vais faire, c'est de changer ça. D'essayer de casser ces petites cliques et d'amener j'ai mis quelqu'un à la porte. Et j'ai dit, dès qu'il arrivera quelqu'un de nouveau, il faudra les présenter. Et avant de commencer la séance du club, dire, voilà, nous avons, par exemple, comme vous, le soir vous êtes arrivés, nous avons ce soir, pour la première fois, mademoiselle ou madame Attel, en donnant quelques renseignements sur votre passé, si vous pouviez parler couramment ou pas, ou vos intérêts particuliers. Et le groupe est devenu, je ne sais pas si on vous l'a dit, le groupe se réunissait chez les particuliers tous les mois. dans ma maison, par exemple, on était 10, 12, 15 maximum. Il est arrivé que le groupe, moi j'étais présidente et on était plus de 200. Là, il y a eu des problèmes parce qu'il a fallu chercher des immeubles pour se réunir, parce que c'était plus possible de se réunir chez les uns chez les autres. Mais enfin, j'y suis parvenue. Ça n'a pas plu à tout le monde, parce que d'abord, ça s'est passé dans des églises, enfin, des églises, dans des, vous savez, des churches, dans des pièces. Il y en a qui ça ne plaisait pas, parce qu'on ne pouvait pas fumer et pas boire d'alcool. J'ai dû chercher ailleurs. On s'est rencontrés au Turn Barren, ici dans J Street, un building magnifique, et très bien, les Italiens s'y rencontrent, les Polonais s'y retrouvent. Et il y a eu des plaintes aussi là, parce qu'il y avait les hommes qui ne parlaient pas le français, allaient au bar, et bien sûr, il y a eu du pour et du contre sur ça. Mais enfin, dans l'ensemble, ça a été très bien. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ramener les gens, les Français ensemble. Les Français et les autres, enfin les membres, je devrais dire, je ne devrais pas dire les Français, je devrais dire les membres. Bon. Et il y avait une ambiance formidable, franchement, c'était très très bien. Si quelqu'un était malade, on envoyait des cartes postales, on essayait d'envoyer d'être en contact beaucoup plus qu'on l'était avant et qu'on l'est maintenant encore. On ignore quand quelqu'un est malade. Ça, je trouve qu'on devrait. Je viens d'apprendre là que monsieur Le Tellier a été opéré, mais là j'ai été opéré, ça c'est encore une chose qu'on n'a pas su. J'ai invité les personnes âgées chez moi, j'ai fait un repas spécial chez moi pour toutes les personnes vraiment âgées, monsieur. La plupart sont morts maintenant, il y en a deux qui sont morts. Et pendant un moment, j'étais déçue. J'ai dit quand même, je fais tout ce travail et je me demande si on apprécie. Et il s'est trouvé le jour où j'ai fait ce repas pour ces personnes plus âgées que les autres, le troisième âge, je me souviens plus son nom, son mari est mort, il était du Pays Basque. Madame Labataille. Ce jour-là m'a dit, Madame Falconer, on dit toujours qu'on vous aime beaucoup, mais on le dit toujours derrière vous. Alors elle dit, je profite aujourd'hui pour le dire devant vous. Il n'y a pas de raison qu'on le dise derrière et qu'on ne le dise pas devant. Elle dit, on vous aime beaucoup et on vous apprécie beaucoup. Et vraiment, ça a été le meilleur remerciement, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai réalisé que tout ce que j'avais fait n'était pas en vain, que c'était quand même apprécié. Et puis... j'ai oublié de vous dire, pour vous dire que quand je ne me connaissais pas, quand je me suis présentée pour président, quand on m'a demandé, Madame Vigné m'avait demandé, Madame Morgan m'avait demandé si je vais être. Il y avait donc un comité d'élection, 3 personnes. 2 ont voté pour moi et la troisième a dit, je ne connais pas. Madame Falconer, devant moi, ça s'est passé chez Madame Vigné, fille de Madame Vigné. Madame Falconer, je ne connais pas. J'ai dit, ça fait 3 ans. 3 ans que je vous envoie des lettres signées de moi. Je ne les lis pas. Je vous assure, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne les lis pas. Une professeure du coup. Plus que snobisme. Est-ce qu'il y a une raison? Je crois que c'est pour vous aider chanteuse, non? Je ne crois pas qu'on l'a su. Non. Je ne pense pas que ça s'est su parce que j'étais chanteuse quand j'étais très jeune, m'ont connu. Mon nom est Lucienne Avril en réalité. Je suis née le 1er avril et mon nom était Lucienne Avril. Il se trouve qu'il y a des gens de mon âge qui se rappellent. J'ai fait des enregistrements, j'ai chanté à Radio City. C'était juste avant la guerre et il se trouve. Non, je ne pense pas que c'était. C'est simplement. Moi je pensais que ça c'était du snobisme. Ou je sais pas. C'est une des rares personnes qui est comme ça. Tout le monde la connaît, elle est très rude. Il faut la prendre comme ça, c'est tout. Ça m'a pas. Mais pour vous dire qu'elle ne me connaissait pas après 3 ans, avoir été 3 ans secrétaire, et avoir signé les lettres pendant 3 ans. Enfin, j'ai laissé après 3 ans, Le club marchait très bien parce que j'ai pensé que d'abord j'étais fatiguée, j'ai une attaque du cœur et c'était beaucoup de travail. Mon mari n'avait pas bonne santé non plus, je le délaissais bien sûr avec ce club, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je le délaissais souvent parce qu'on avait des meetings entre les... Oh, pendant de mon temps aussi, je me suis associée avec le Camélia Festival. Et chaque année, la France était représentée. On avait une table avec exposition française. Il faut vous dire, j'avais un bon comité. J'avais vraiment des gens charmants avec moi qui m'aidaient beaucoup. Je n'étais pas la seule responsable. J'avais vraiment beaucoup d'aide. La France était représentée au moins au Camélia Festival. D'autant plus, je ne sais pas si vous l'avez appris, le Camélia Festival a été établi par un Français. Il est Français. Je comprends pas de la... Oui, vous avez parlé avec lui. Je pense que ce serait très intéressant parce qu'il est d'une vieille génération ici. Et puis, je vous dis, pour des raisons de santé, raisons de mon mari de santé aussi, j'ai dû abandonner. Et celles qui m'ont suivi m'ont reproché que j'avais fait trop, que c'était trop difficile maintenant pour reprendre le club. Le club est descendu un peu maintenant parce que du fait que l'autre club s'est ouvert, enfin, a commencé. Et puis, maintenant, il faut vous dire aussi que tout change. Les gens sont beaucoup plus occupés qu'avant. Ils ont un peu de tout. Quand je suis arrivée ici, vraiment, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Donc, vous avez l'opéra, vous avez un tas de choses. Et il faut reconnaître que les Français sont très durs à amener à un club. Ça, ils résistent à ça. Il faut qu'ils aient vraiment un intérêt quelconque pour les amener à un club. Ils sont très indépendants, j'ai trouvé, que les Français. Mais je ne sais pas ce qui arrivera maintenant. Je connais beaucoup de personnes qui me disent que c'est plus possible, que du fait que ce n'est plus une sécurité pour les femmes toutes seules, c'est de sortir le soir. J'ai essayé de contacter beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, qu'elles n'aimaient plus sortir le soir. Ça devient difficile, je reconnais que ça devient très difficile. Et la grande génération, les enfants. Les enfants, ça c'est... Ils n'ont pas... Ben, mes enfants ont fait partie du club pendant très longtemps avant qu'ils aient des enfants. Maintenant, ils ont des enfants et ça leur est difficile. Et leur travail aussi. J'ai parlé avec d'autres femmes françaises qui ont des jeunes, comme Madame Stanish, Odette Stanish par exemple. Elle a 3 enfants qui sont venus assez souvent au club. Son mari est très pro-français. Il aime beaucoup la France et tout ce qui est français. Ils ont appris leurs enfants à parler le français, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de jeunes au club pour eux. Quand ils sont là-bas, ils sont les seuls. Et ça, c'est vrai. Pourquoi? J'en sais rien. Je trouve que c'est une négligence de la part des femmes françaises ici de ne pas apprendre la langue maternelle à leurs enfants. Je leur ai tout dit. Je ne comprends pas. Ça a tellement été facile pour moi. Pas facile avec mon mari. J'ai eu des scènes affreuses avec lui parce que, évidemment, quand mes enfants venaient dans l'oreille, ils me racontaient des petites histoires des voisins, ils me parlaient en français. Mon mari s'imaginait un tas de choses. Il ne comprenait pas tout. Il dit, qu'est-ce qu'il parle? De quoi il dit? De quoi vous parlez? Mais j'ai obligé à mes enfants, quand on était seuls, à parler en français. Et mes deux fils parlent très aussi bien le français que l'anglais. Oh, si bien. Ronald, vous avez l'a entendu, il cherche les mots un petit peu parce qu'il n'a pas beaucoup l'occasion de parler, mais enfin, ça va, il peut se permettre de... Et ils sont tous les deux pro-français, et dès qu'ils ont des vacances, c'est pour aller en France. Mais c'est le reproche, justement, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes qui parlent français ici. Mais beaucoup de les jeunes sont allés en France, non? Oui. Beaucoup de jeunes sont allés en France, par contre. Oui. Les fils de Madame, les enfants de Madame Favero parlent très bien français et ils aiment beaucoup la France aussi. Elle m'a dit que son fils le plus jeune, quand il est arrivé à Paris pour la première fois cette année, il a dit, je comprends pas que Madame Falconer, qui est née à Paris, ait pu quitter Paris. Il a dit. Il a téléphoné à sa mère un jour, sa mère a dit, c'est ce qu'il m'a dit, Antoine, il m'a dit, ah, après que j'ai connu Paris, je comprends pas que Madame Falconer ait pu quitter Paris. mais ils ont des occupations, ils n'ont pas le temps d'aller dans le haut club, je pense. Mais ils sont très français, ils aiment beaucoup la France et leur idée c'est de retourner en France, les deux jeunes. Les fils à Madame Stanisch aussi, c'est leur rêve de retourner en France. Et des autres? Et les autres, je ne connais pas beaucoup, ils sont mariés ici maintenant, les autres, je pense qu'ils resteront ici. Jocelyne Eldridge, son fils adore la France aussi et il comprend bien le français, mais il ne le parle pas beaucoup. Il est dans l'armée maintenant, donc je suppose qu'il va en faire sa carrière, il restera ici. Daniel Tatinier a trois enfants, mais ils sont tous les trois mariés ici maintenant avec des enfants, je pense qu'ils resteront ici aussi. Dès qu'ils sont mariés, vous savez, c'est ici. Surtout si c'est des fils, c'est la femme qui porte la culotte et c'est la fille qui décide de rester ici, bien sûr. C'est pour les jeunes, ça je ne sais pas ce que la